Exode chapitre 4. Et Moïse répondit, et dit, mais voici, ils ne me croiront point, et n'obéiront point à ma parole, car ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as en ta main? Il répondit, une verge. Et Dieu lui dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Et Moïse s'enfuyait de devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis sa queue, et il étendit sa main, et l'empoigna, et il redevint une verge en sa main. Et cela, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. L'Éternel lui dit encore, mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il l'attira, et voici, sa main était blanche de lèpre comme la neige. Et Dieu lui dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, puis il la retira hors de son sein, et voici, elle était redevenue comme son autre chair. Mais s'il arrive qu'ils ne te croient point, et qu'ils n'obéissent point à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe. Et s'il arrive qu'ils ne croient point à ces deux signes, et qu'ils n'obéissent point à ta parole, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la répandras sur la terre, et les eaux que tu auras prises du fleuve deviendront du sang sur la terre. Et Moïse répondit à l'Éternel, hélas! Seigneur, je ne suis point un homme qui est, ni d'hier, ni de devant hier, la parole aisée, même depuis que tu as parlé à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue en péché. Et l'Éternel lui dit, qui est-ce qui a fait la bouche de l'homme, ou qui a fait le muet, ou le sourd, ou le voyant, ou l'aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc maintenant, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moïse répondit, hélas! Seigneur, envoie, je te prie, celui que tu dois envoyer. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse, et il lui dit, Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien, et même le voilà qui sort à ta rencontre, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras donc, et tu mettras ses paroles en sa bouche, et je serai avec ta bouche et avec la sienne, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire, et il parlera pour toi au peuple, et ainsi il te sera pour bouche, et tu lui seras pour Dieu. Tu prendras aussi en ta main cette verge, avec laquelle tu feras ces signes-là. Ainsi Moïse s'en alla, et retourna vers Jéthro, son beau-père, et lui dit, je te prie, que je m'en aille, et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte, pour voir s'ils vivent encore. Et Jéthro lui dit, va en paix. Or l'Éternel dit à Moïse, au pays de Madian, va, et retourne en Égypte, car tous ceux qui cherchaient ta vie sont morts. Ainsi Moïse prit sa femme et ses fils, et les mit sur un âne, et retourna au pays d'Égypte. Moïse prit aussi la verge de Dieu en sa main. Et l'Éternel avait dit à Moïse, quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, tu prendras garde à tous les miracles que j'ai mis en ta main, et tu les feras devant Pharaon, mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras donc à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, et je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Mais tu as refusé de le laisser aller, voici, je m'en vais tuer ton fils, ton premier-né. Or il arriva que, comme Moïse était en chemin dans l'hôtellerie, l'Éternel le rencontra, et chercha de le faire mourir. Et Séphora prit un couteau tranchant, et en coupa le prépuce de son fils, et le jeta à ses pieds, et dit, certes tu mets un époux de sang. Alors l'Éternel se retira de lui. Et Séphora dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Et l'Éternel dit à Aaron, va-t'en au devant de Moïse, au désert. Il y alla donc, et le rencontra en la montagne de Dieu, et le baisa. Et Moïse raconta à Aaron, toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, et tous les signes qu'il lui avait commandé de faire. Moïse donc poursuivit son chemin avec Aaron, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. et Aaron dit toutes les paroles que l'Éternel avait dit à Moïse, et fit les signes devant les yeux du peuple. Et le peuple crut, et ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, et qu'il avait vu leur affliction, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent.